که اون دیگه فیصل عزیزی. مستمع أصوات مرحبا بكم مجددا في مجلتكم الأسبوعية كليكي ونافيغي اللي كتحدث على لي بلوغور على الانترنت لي زانفورم لانفورماتيك اي جو فيديو. اليوم معنا شخصية من الشخصيات اللي المغربية ان بلوغور من الوزن الثقيل معنا خالد بن سليمان اللي غادي نتعرفوا عليه حالا. كليكي ونافيغي فيصل عزيزي. خالد بن سليمان مرحبا بك على أصوات. الله يبارك فيك سي فيصل. إذا خالد بن سليمان غادي تتكلم ليا كيفاش بدات قصتك مع لي بلوغ. تقدر تدوي لي على أول مرة درتي أن بلوغ؟ وسنقول لك القصة بدات صدفة، ماشي شي حاجة اللي خططت لها ولا اكتشفت لي بلوغ باغازار. و enfin, j'ai aimé l'interactivité qu'offrait le blog par rapport aux autres moyens de communication et d'expression. Vous comprenez bien comment vous avez fait le blog l'ouel ديالك ? Alors, le blog l'ouel qui fait ça pour la première fois, à un certain moment, j'étais intéressé par éditer des textes. Tu vois, le genre... ou là, des chroniques, un journal. Donc, je naviguais, j'essayais de trouver soit un éditeur, soit des offres. C'est comme ça que j'ai découvert les blogs. Donc, quand j'ai commencé à lire, j'ai trouvé ça intéressant. Je me rappelle le premier blog que j'avais visité, un blog marocain, qu'un dial l'Arossi. Donc, j'ai lu, j'ai commencé à voir les archives et les textes et les gens qui répondait, qui intervenait, etc. Et ça m'a plu. J'ai adoré cette interactivité. J'ai trouvé ça passionnant et je me suis mis directement. J'ai créé un blog assez simple puisqu'il y avait pas mal de plateformes disponibles qui offraient cette possibilité. Enfin, le Blogspot, les noms m'échappent, mais c'est une page qui est prête. Il faut juste rentrer dedans. Connaître quelques petits trucs, le langage HTML pour améliorer un petit peu la page et le tour était joué. On avait un blog disponible, on pouvait s'exprimer et recueillir un petit peu les impressions des autres. Et donc, dès la première expérience, tu t'es lancé et ça fait combien de temps J'ai commencé en juin 2005 et ça continue toujours. Là, donc, c'est le même blog. Enfin, c'est le même blog, il a juste changé de nom. J'ai commencé avec maroquinerie, avec l'article ou le nom Ma Bouhda ou Roquinerie Bouhda. Ensuite, je suis passé à maroquinerie en un seul mot, tu vois. Et là, comme Blogspot, le défaut sur les plateformes gratuites, c'est une fois que le blog commence à marcher, qu'il y a beaucoup de visites, on commence à vous injecter des publicités. Donc, moi, je ne les vois pas, mais les visiteurs, des fenêtres qui s'ouvrent à chaque fois, c'est très gênant. Donc là, je suis passé chez un hébergeur payant, ou comme ça, j'évite ces problèmes-là. Et là, avec le nom de domaine dialecte, où il y a le blog de Khalid Ben Sliben, où www.kbaratinage.com, KBARATINAGE. Kabaratinage. Kabaratinage.com. Donc, malikoum, il a cliqué, ou te naviguer, ou te arfo, le blog de Khalid Ben Sliben. Bachin Kumlo, le blog dialecte, où un blog thématique. Ando, chi haja, m'chassa, yani, kent kelmo ali hadima. Kabaratinage, ce n'est pas un blog thématique, c'est un blog Kab Sliman, où je m'exprime en tant que personne. En tant que. Je ne dirais pas que je véhicule des idées, de grandes idées, ou là, mais c'est juste que j'essaie de m'exprimer correctement déjà. Et d'apporter ma vision sur mon époque, ma vision propre. Ma façon de voir les choses, etc. Donc c'est juste un témoignage sur mon époque et je parle un petit peu de tout. Des fois je parle politique, des fois je parle littérature, des fois c'est juste une idée comme ça. Une idée comme ça. Des fois c'est des essais de style. C'est purement littéraire, etc. Et voilà, c'est tout. Donc moi, j'ai consulté, j'ai vu un peu les textes. Il y a un peu de tout. Voilà, j'ai vu les textes et tout, et j'ai trouvé les textes d'Yaoulik, Chichouya, très soutenus. au niveau de la langue. Ouais, ça, malheureusement, tout le monde me fait ça. On m'a toujours fait ce reproche au niveau de la langue. C'est pas un reproche, c'est une qualité plutôt. Je sais pas. Un compliment. C'est peut-être c'est sûrement un compliment, mais aussi ça nuit quelque part parce que les gens hésitent à faire des commentaires parce qu'ils disent le gars il est sinon on blesse. C'est pas le but, je suis au contraire, j'aime que tout le monde s'exprime chacun à sa façon, parce que le but c'est pas de montrer qu'on écrit bien, là c'est le but c'est la communication, c'est communiquer avant tout. باش نتكلموا مثلا على ان تيكست من لي تيكست ديالك اللي عقل عليهم مزيان واللي ما تنساولكش اللي بوستيتي شي تيكست اللي ديما عندك حاضر في دماغك يعني من بين لي تيكست اللي ماركاوك وانت مقتنع بهم بزاف وانت حاطهم في البلوغ ما اللي عندي في البلوغ سي واللي تجاوب معاهم الناس بزاف بطريقه كبيره justement انا les textes اللي qui me tiennent à cœur si je peux m'exprimer ainsi c'est des textes qui sont un peu pas un peu c'est qui sont purement autobiographiques, c'est des textes où je parle de moi. Parce que là c'est là où je me donne le plus, etc. C'est pas de la fiction, je parle de moi, je parle d'une certaine époque, surtout de mon adolescence, de mon enfance. Et c'est ces textes-là qui m'ont le plus marqué parce que j'ai trouvé un grand plaisir à les écrire. C'est peut-être une sorte d'excommunication ou d'exorcisme ou de sortir un truc d'une certaine époque. Mais c'était une époque qui était heureuse. J'ai jamais été malheureux dans ma vie. Au contraire, j'ai connu beaucoup de moments de bonheur dans ma jeunesse. Et donc j'ai aimé réécrire. J'ai retrouvé ce même bonheur en écrivant ces textes-là, dont la Gaule ottomane. Si les gens vont sur le blog, ils pourront chercher, faire une recherche. Et t'as un texte qui parle de, qui raconte une certaine période où j'ai vécu une biculture, c'est la culture marocaine à la maison, la culture française à l'école. Donc c'est un mélange des deux, ce qui a donné ce style d'écriture-là. Voilà. Et il y a flux et reflux aussi. Flux et reflux, ça trace quand même. Il y a un peu d'humour dans le style. Il y a beaucoup d'humour, c'est pas un peu d'humour. En général, quand on parle des choses avec une certaine légèreté, ça passe mieux. Quand on est très sérieux et tout, ça embête un petit peu les gens. Il faut être un peu plaisant, un peu amusant. Ça, c'est peut-être ce qui fait mon côté blogueur. Oui. Que les gens disent que je suis un grand blogueur, là, même si moi je ne m'estime pas être un très grand blogueur. par exemple, la dernière cliquer ou naviguer, oui. Hadr Ma'ana Dr. Who. Oui, je le remercie pour les gentilles phrases qu'il a dit, c'est juste pour me consoler. Non. Non, c'était vraiment. Il y en a. Mais rire, faut l'émission, mais Dima qui est le Malik ou qui est le blog. C'est gentil à lui, je le remercie grandement. C'est un blogueur aussi, Dr. Ross, il a le blog dans le sang aussi. Voilà, mais je vais vous dire, qu'est-ce que tu considères comme un blogueur ? C'est comme si on dit un talent, un bnadem, comme si on dit un danseur, soit pas danseur. Ou là, un blogueur, soit blogueur, ou là, il est loin de ce monde. Sinon, on va se mettre à créer un élitisme au sein de la blogosphère. C'est pas le but. Tout le monde peut bloguer à sa manière, à sa façon. Maintenant, le talent existe, c'est sûr. C'est sûr qu'il y a des blogueurs qui se distinguent par rapport à d'autres, par leur style d'écriture, par qui n'est pas stéréotypé, qui n'est pas commune, quoi. Ça fait que ces blogueurs-là se détachent un petit peu du lot. Mais c'est pas pour autant qu'il faut dire que voilà, c'est vers ça qu'il faut atteindre ou non. Chacun continue à bloguer à sa manière avec les moyens dont il dispose. J'aurais voulu par exemple qu'il y ait plus de blogs en langue arabe. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup de blogs clairs. Et même Minigouli, Blog Award, le meilleur blogueur, j'aurais préféré qu'il s'exprime en arabe. Je fais un complexe par rapport à ça. Je suis très très très nul. L'arabia. L'arabia, j'ai... Ça, c'est, je traîne ça comme. En marque Mahaouli, par exemple. J'essaie, surtout au niveau de la poésie, au niveau de la ghazal. J'essaie de faire quand même des. Donc, dialectal, quoi. Dialectal. Ouais. Mm-hmm. Donc, j'arrive à faire, j'arrive pas mal j'arrive à faire de bonnes choses avec ça malgré ma. En marque Mafkarti, tu charges les textes direct les kénifs le blog. لشي حاجة اللي كاينة في كتاب ولا في مجلة ولا في يعني لي تيكست يخرجوا سو بابي خرج ديجا ان ريكوي كي ا ايتي ايديت ان فرانس بون كي n'a pas été diffusé ici mais c'est vrai que j'aurais aimé faire un recueil ici avec alors s'il y a des gens qui sont intéressés par faire un recueil de textes courts je suis ouvert à toute proposition voilà bien dit بغيت نعرف خالد بن سليمان غير باش يردوا بالهم شنو هو لاج ديالك alors là j'ai 48 ans 48 ans donc le blogueur اللي كان كيدوي معايا depuis tout à l'heure راه ماشي من ديك لا génération اللي كنقولوا blogueur ou un jeune de cette génération et tout donc c'est un monsieur qui blogue et qui a un blog اللي عنده شحال من عام دابا qui a ben juin 2005 on est en 2009 ça fait 4 ans et des poussières ça fait d'abord là un enfant quoi qui se réveille qui se met ça oui. Ben, je pense que voilà c'est tu as dit que tu as parlé de l'âge je ne crois pas qu'il y ait un âge enfin le blog c'est comme la maladie d'amour ça va de 7 à 77 ans aussi hein c'est خالد بن سليمان بغيت نعرف لا كونتينيتي ديال لو بلوك واش كتبان لك اون ليميت واش كتبان لك زعما واحد الوقت تقدر دير اون كريز اللي كيديروها بزاف ديال لي بلوغور وكيحبسوا لا كريز بيرسون ني على بري دون كريز ولا كريز اي ايتيراتيف ال فيان ا انترفال ريغولير normalement enfin je pense si on pose la question à tous les blogueurs ils ont tous eu leur moment de crise il y en a qui arrivent à surmonter ça enfin arriver à surmonter mais c'est pas le blog c'est pas une finalité c'est juste un moyen d'expression bon quand j'ai une crise il arrête d'autres arrêtent momentanément puis reprennent et d'autres qui continuent enfin, il y en a tout le temps c'est une constance, je pense, qui est due aussi peut-être à l'âge. Les jeunes sont un petit peu inconstants. Ils se cherchent peut-être. Le blog, pour eux, c'est juste un passage occasionnel. Bon, moi, j'ai trouvé là-dedans un moyen d'expression qui permet aussi une interactivité avec le lectorat. Donc, c'est surtout ça qui m'intéresse. Donc, c'est cet échange d'idées, des discussions, etc. Donc, tant que j'ai ça et que j'ai un petit peu de temps libre à côté, donc je me consacre à cette activité-là. بحال بزاف ديال لي بلوغور اللي كنسولهم واحد السؤال دائما هو واش عمرك فكرتي انك تدخل فلوس من لو بلوغ ديالك؟ Personnellement non, jamais. Non, c'est pas le but. Je trouve que si je m'amuse à faire entrer cette idée-là dans le blog, ça va dénaturer un petit peu la chose. Et je vais essayer de ça sera plus moi qui parle. C'est tu voulais dire un effort, ça va être construit, ça va être. Ça va pas être câble. Je dis pas que c'est pas mauvais ou là que c'est interdit ou là non. Si c'est un choix. Si les autres blogueurs ont la possibilité de gagner de l'argent avec ça, tant mieux. Moi, je gagne ma vie autrement avec une activité qui n'a rien à voir avec la littérature ou là. Justement, Brennan Arfoa. Là, je suis dans l'ingénierie aéronautique. Je passe mon temps à développer des programmes d'entretien pour avions et etc. Et définir des visites et des tâches purement. وحتى هذا لو كوتي اللي عندك راه ما خليتيش على كار وعنده حتى هو ان بلوك ديالو اللي كيهضر فيه شويه j'avais commencé un blog thématique malheureusement les gens ont peut-être j'ai pas fait assez de pub ou là les gens connaissent ou là peut-être ça n'intéresse pas ما عطيتيش بزاف الاهميه بحال الاخر qui s'appelle pegas.ma pegas.ma فكرنا في البلوغ الاصلي الكبير ديالك alors le blog c'est www. K-B-A-R-A-T-I-N-A-G-E. K-baratinage. C'est une fusion entre KB, qui sont mes initiales, et le baratinage, qui vient du baratin. Donc, parce que j'aime bien baratiner. Très bien. Donc, Khalid Mesliman, je te demande que tu ne t'aimes pas le blogging, parce que beaucoup de gens ont des connaissances et fidèles, et qui veulent toujours que tu puisses écrire des articles zouinin ou te poster lina. J'essaierai. Donc, ونكليكيو ونافيغيو مع خالد بن سليمان وهكا نكونوا سالينا الحلقه ديالنا. كنشكرك بزاف خالد. كنشكرك انت على العرضه. الله يا ودي. دونك هذا كل ما كان عندنا في كليكي ونافيغي لهاد الحلقه. السيمانه الجايه ضيف جديد وحديث جديد. ودائما كليكي ونافيغي على اصوات.